Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le jeudi 9 septembre 2021, il est un peu plus de 14h, c'est Chris, il est 14h01 même, c'est Chris. Et désormais il y aura également une édition de Fréquence Libre le jeudi comme vous pouvez l'entendre. Donc comme je disais, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Frédéric, Stéphane et Ellie, les trois membres du trio appelé Trio Alto, qui sont là pour nous parler justement de leur trio. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Super. Ça va super. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle ? Bon, Stéphane, vas-y, premier. Et ben moi c'est Stéphane, je suis le contrebassiste du groupe. D'accord. Moi c'est Fred, je suis batteur et je m'occupe aussi de tout ce qui est booking et communication sur les réseaux sociaux, les plateformes, etc. D'accord. Et bah moi je m'appelle Eddie et moi je suis le pianiste du groupe. Voilà, tout simplement, nous allons parler de votre carrière, votre début de carrière tout au long de cette émission, jusqu'à 15h du coup. On pourra peut-être terminer un petit peu avant, ça dépend, on verra bien d'ici là. Donc comme annoncé en introduction, vous formez le Trio Alto. Donc quel a été votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui ? Des études dans le domaine de la musique peut-être ou pas du tout ? Ben, moi personnellement, j'ai commencé la musique à l'adolescence. J'ai commencé d'abord par mixer de la techno. D'accord. Avec des platines et tout. Après, je me suis orienté vers les percussions latines. Et comme j'ai déménagé dans le sud-ouest de la France, j'ai découvert les percussions latines cubaines. Parce que ça, c'est plus courant là-bas que dans notre région, les Vosges. Enfin, notre région Grand Est. C'est vrai. Et je me suis passionné de ça. Et la batterie, je m'y suis mis plus tard. Ça fait 6 ans. Et je me suis inscrit au conservatoire, donc tout début de pratique de la batterie pour apprendre le jazz. Et le jazz, c'est une musique finalement qui est pas si loin de la musique latine. Il y a beaucoup d'improvisation. Il y a beaucoup de liberté finalement aussi. Et c'est la liberté du jazz qui m'a passionné et qui m'a dit je vais faire de la batterie jazz quoi. D'accord. Conservatoire d'Épinal jazz quoi. C'est ce que j'allais vous demander justement. Voilà. Et donc Ellie et j'allais dire Frédéric, non, et Stéphane. Eh bien oui, effectivement, je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric. On s'est rencontrés sur les bancs du conservatoire comme on dit. Peut-être que j'anticipe une de tes futures questions, mais en tout cas c'est là qu'on s'est rencontrés et moi j'ai aussi appris la contrebasse au conservatoire à Épinal. J'ai commencé par la contrebasse classique et rapidement je suis aussi basculé vers la contrebasse jazz, mais je pratique toujours la contrebasse classique en même temps, voilà. D'accord. Et Ellie ? Eh ben moi mon parcours c'est j'ai commencé par le piano classique, donc premièrement. Et dès mon enfance, parce que je suis le plus jeune du groupe, donc mon enfance elle est pas si loin que ça. Elle est vraiment pas si loin que ça. Et j'ai commencé par le piano classique et j'ai toujours été passionné par le jazz parce que du côté aussi bien de mon père que ma mère, j'ai eu une ouverture musicale assez cool. Et donc du coup, je me suis toujours mis un peu au jazz au début en autodidacte. Et j'ai eu des rencontres qui m'ont permis d'approfondir le jazz et tous les styles un peu plus actuels. Donc du coup, je me suis mis au piano jazz vraiment au conservatoire il y a quelques années. Et du coup, j'ai pu lâcher et je suis vraiment passionné de ça. C'est vraiment ma passion. Donc je suis heureux d'être aujourd'hui avec mes compères du Trio Alto et de voilà, permettre des représentations et voilà. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il va faire musicologie à Nancy aussi. Ah oui, voilà. D'accord. Et donc à la base, qui a eu cette idée de monter ce Trio Alto du coup ? Ben c'est moi. J'avais déjà d'autres groupes avant, c'était plutôt orienté vers mes compositions à moi. D'accord. Et là, pour le jazz, on s'était dit chercher à monter un trio parce que le trio c'est une formule qui marche bien. C'est 3 personnes, donc c'est plus facile à placer aussi pour les concerts, etc. Mm-hmm. Et comme au conservatoire, on se connaissait déjà, on avait appris les mêmes choses, finalement, on avait la même culture. J'ai demandé à Ellie et puis à Stéphane, avec qui j'avais déjà joué dans un autre projet, de venir qu'on soit tous les trois à jouer des standards de jazz, quoi. D'accord. Et donc, depuis combien de temps le trio alto existe-t-il ? Ben, le trio alto, à la base, on a commencé à répéter au mois de novembre l'an dernier, pendant les confinements. D'accord. Alors, on risquait un petit peu les autorisations. Okay. Oui, donc c'est un groupe, enfin, c'est un trio tout récent, du coup. Oui, c'est récent, oui. On a pas fait beaucoup de concerts, c'est aussi pour ça qu'on vient ici, pour essayer un peu de faire parler de nous. Hein. Ah ben, on est là pour ça. Et donc, pourquoi ce nom, justement, de trio alto ? Trio alto, c'est ma copine qui a trouvé le nom. D'accord, tout simplement. D'accord. Donc, comme nous disons, c'est un trio tout récent. Donc, avant de constituer ce trio, j'allais vous demander si vous faisiez déjà partie d'un autre groupe ou jouiez-vous exclusivement en solo, vous, Frédéric, enfin, toi, on va se tutoyer. Oui. Toi, Frédéric, oui, avec Stéphane. Bah, j'ai déjà joué dans plusieurs autres formations, oui, mais... Pour le coup, bah, j'ai joué avec Bobby and Guys un peu, ça s'est un peu chevauché les deux projets. Et je ne sais pas si certains connaissent, c'est un groupe de chansons un peu françaises d'Épinal, du coin d'Épinal. J'avais d'autres projets avant encore, mais actuellement, là, j'ai le trio alto et j'ai une fanfare toute récente aussi qui vient de se créer. Après, on est plus dans les coins de Gérardmer. Mm-hmm. D'accord. Une fanfare, un brass band, quoi. Ok. On s'en approche. Oui. Très loin. Et donc, vous êtes un trio de jazz. Donc, du coup, je vais vous demander une nouvelle fois quels sont vos instruments respectifs. Mais vous l'avez dit, contrebasse pour Stéphane, batterie pour Fred. Oui. Et Elie, je suis pianiste. Piano. Voilà, ok. Bon, bah. Et donc, dans votre discographie, est-ce que vous avez des morceaux originaux, donc des morceaux de vous, est-ce que vous ne reprenez que des morceaux déjà existants ? Pour l'instant, on reprend que des standards. Donc le jazz, c'est un peu ça aussi, l'esprit. Hein, c'est des compositions sur lesquelles c'est des thèmes, en fait, c'est des mélodies sur lesquelles on improvise, quoi. Mm-hmm. C'est, pour l'équivalent de la chanson française, un peu, c'est comme si le refrain était écrit et le couplet... Tous les couplets étaient improvisés, en fait. D'accord, donc c'est des mots. C'est ça un peu l'esprit du jazz aussi, c'est de montrer sa virtuosité, sa créativité sur l'instant. En fait, les standards de jazz, c'est quelque chose que tout le monde joue, tous les jazzmen jouent des standards de jazz. On s'en sert comme support plutôt. Pour se former, quoi. D'accord. C'est un support sur lequel oui, voilà. On utilise le support, la trame du morceau, sa grille. Son histoire aussi, ses paroles, des fois pour s'en inspirer. Et on essaye d'avoir une partie du morceau qui la respecte assez proche, même si on a des libertés quand même d'interprétation. Mais on a un texte quand même à respecter, qui est le texte du standard, sa mélodie, sa grille. Et ensuite, on va utiliser donc cette liberté dont parlait Fred pour s'en détacher petit à petit, plus ou moins rapidement. Et là, laisser parler libre cours à notre créativité sur le moment, qui vient aussi du travail aussi. Hein. Du travail. Travail de l'improvisation. C'est ça, enfin, de la culture qu'on peut avoir chacun, et aussi de l'écoute. Ce que je voulais dire, c'est de l'écoute qu'on a entre nous au sein du groupe. Oui, oui. Voilà. D'accord. Donc, juste pour résumer grossièrement. Presque vulgairement, peut-être. Mais donc, on utilise cette trame qui est un standard, comme je disais, qu'on essaye de respecter sur une première partie de l'interprétation de cette pièce. Et ensuite, au moment où on laisse libre cours à l'improvisation, et c'est là que le groupe intervient vraiment. Puisqu'on c'est l'écoute de l'autre. On va s'écouter les uns les autres, et entre une version à un moment donné et 5 minutes plus tard, elles seront différentes. D'accord. Il y a une synergie qui se crée. En fait, par exemple, quand un soliste envoie beaucoup de notes, beaucoup de décibels, etc., le batteur et le pianiste ont tendance à eux aussi charger la musique, etc. Et c'est une communion. Ça se passe surtout pendant les improvisations, ça, du coup. D'accord. Donc vous prenez des classiques, du coup, du jazz, hein, les classiques, mais vous mettez votre petite touche à vous, du coup. Oui, c'est l'esprit du jazz complètement, quoi, parce que tous les groupes font ça, hein. D'accord. En général. Et donc, justement, pourquoi avoir choisi de pratiquer la musique jazz en particulier ? Est-ce que c'était un choix ou est-ce que ça s'est présenté à vous comme une évidence ? Ah, c'était complètement comme une évidence parce que comme on l'a dit, on s'est croisés sur le banc de conservatoire et on pratique. C'est vraiment en partie, je pense, parler pour nous trois, c'est vraiment la musique qui nous drive tout le temps, quoi. Vraiment. Donc du coup, voilà. Et puis même au sein du groupe, c'est du coup la synergie créée au fur et à mesure du morceau. Je trouve que dans ce trio-là, dans cette formation. Elle est aussi importante parce qu'on s'entend tous les trois super bien. Mm-hmm. Et du coup, la sauce monte bien et vraiment s'entendre, ça se ressent sur scène, je trouve. En tant que, je parle peut-être pour moi, mais ça se ressent sur scène que on s'entend bien et du coup on s'écoute plus. Et du coup, vraiment, ça participe à créer quelque chose de vraiment sympathique. D'accord, oui. Donc bien s'entendre dans une formation, c'est la condition sine qua non pour être pour bien. J'allais dire prestationner, alors ça se dit pas. Faire de bonnes prestations, du coup. Oui, après l'entente, l'humain, c'est important de se voir souvent aussi. Parce qu'il y a des groupes. De se connaître. Il y a des groupes qui sont bien meilleurs niveau, mais qui se voient pas souvent ou qui s'entendent pas sur un point humain. Et en fait, ça se ressent dans la musique aussi. C'est moins. Il y a moins d'énergie, quoi. Bien sûr. Et donc, on parlait des classiques. Et donc, quelles sont vos influences, du coup, pour le groupe Trio Alto? Vos influences au niveau des artistes de jazz, du coup? On s'est orienté vers la musique jazz des années 60. Donc, la musique un peu modale, Wayne Shorter. On fait aussi du Bill Evans, des choses comme ça. Mm-hmm. On a un morceau de Miles Davis aussi. C'est un peu tous les maîtres des années 60, quoi. Quand j'ai mené ma petite investigation en préparant cette émission, et donc j'ai vu du coup Wayne Shorter, Herbie Hancock, oui. Miles Davis, John Coltrane et du coup Bill Evans. John Coltrane, oui, évidemment. Et si je vous dis Louis Armstrong, qu'est-ce que vous me répondez? Louis Armstrong, je vais vous dire, c'est plutôt l'air du swing, l'air du jazz de Nouvelle-Orléans. Ça va plutôt faire penser aux années 30, 40, quoi. Ce qui est beaucoup plus compliqué à jouer en trio, parce que Louis Armstrong, c'est quand même. C'est des morceaux qui sont vraiment plus sympas quand ils sont orchestrés en grosse formation. D'accord. Donc l'air du swing, tout ça, c'était des morceaux quand même où il faut quand même un big band ou vraiment des bonnes formations. Des grands orchestres. Parce avant, que, voilà, beaucoup avant. Jouer en... Et puis il faut des cuivres surtout. Parce qu'il n'y a pas de cuivres dans notre formation. Et du coup, dans un trio, c'est le piano qui joue le thème et l'harmonie. D'accord. Et du coup, pour tout orchestrer au piano, ça va être assez compliqué de jouer des thèmes qui sont faits pour big band à la base, où il y a un timbre qui manque, je trouve, personnellement. D'accord. Et ça colle pas, en fait. Donc ça représente toute une enquête, entre guillemets, pour savoir les morceaux susceptibles d'être joués en trio. Du coup, il faut vraiment mener une enquête. Oui, une enquête. Oui. Après, ça, on l'a par notre culture. Hein, Après, voilà, tout morceau peut être arrangé. Donc on peut faire des versions piano, mais ça sortirait peut-être de l'original, ou on peut faire ça à notre sauce, mais je trouve que faut rester aussi dans l'esprit du morceau. Bien sûr. Donc dans ce terme-là, les morceaux un peu qui sont orchestrés pour big band, ils peuvent être sympas en trio, mais il me semble qu'il manquerait un petit truc quand même. D'accord. Après, il y a quand même un ou deux morceaux qu'on fait que. Qu'on beaucoup plus été joué en quartet ou en quintet, comme il y a Strasbourg-Saint-Denis. Donc des morceaux plus récents, ça aussi. Mais... Des morceaux qui sont. Oui. On a écarté un petit peu aussi notre curseur des années 60. On a aussi quelques morceaux qui sont un poil plus récents. D'accord. Donc, Strasbourg-Saint-Denis, c'est un morceau de Roy Hargrove, donc trompettiste. De ouf, vraiment incroyable. Et donc voilà, on a ouvert un petit peu nos œillères pour permettre de jouer des trucs un peu plus récents et que les gens apprécient, ils bougent bien, c'est cool. D'accord. Donc il est 14h15, avant de parler plus en détail de tout ça, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un de vos morceaux que j'ai trouvé sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud, et que nous écoutions la musique intitulée Nardis, qui est à l'origine une musique de Bill Evans, me semble-t-il, écrite en 1958. Donc on écoute Nardis et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h21. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Trio Alto et leur reprise, on va dire, Nardis. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Frédéric, Stéphane et Ellie du trio Alto, justement. Donc ça va toujours ? Super. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, mais aujourd'hui je vais la modifier un petit peu. Comment caractérisez-vous ce titre Nardis ? Je te laisse répondre, Ellie. C'est un thème que on aime tous les trois beaucoup. D'accord. Donc c'est un thème qu'on a. Moi, je sais que je l'ai beaucoup écouté. Vraiment, Bill Evans, c'est vraiment un de mes pianistes préférés niveau harmonie, niveau couleur. Je trouve vraiment c'est un joli thème et je sais que je prends beaucoup de plaisir personnellement à improviser dessus. D'accord. Parce que vraiment la suite d'accords, la grille, elle est vraiment inspirante et il y a moyen de vraiment sortir de la grille, donc être un peu à côté, donc intentionnellement bien sûr, hein. et d'y retourner assez facilement. Donc, puis je trouve que c'est un morceau où tous les trois, on a l'osmose, elle est vraiment présente, aussi bien par la contrebasse qu'avec la batterie. La contrebasse, elle accompagne vraiment le chorus de piano et. Et puis la batterie, pareil. Donc vraiment, c'est un morceau qu'on apprécie bien à jouer en set. D'accord. Et donc justement, est-ce qu'il y a des morceaux sur lesquels il est plus facile, il est plus simple d'improviser ? Ah, forcément, il y a des morceaux avec des grilles bien plus simples à improviser que d'autres. Il y a plein de facteurs qui sont en jeu. Par exemple, rien que le tempo. Quand on attaque des gros morceaux de bebop à 220, c'est quand même assez compliqué de chorus. Il faut vraiment avoir faut vraiment voir à l'avance la grille arriver pour vraiment anticiper chaque accord et savoir sur quelle note on vise, plutôt que sur des morceaux modo, bien plus lents ou improvisés. C'est vraiment là, ça fait plus partie du feeling, comment on sent le morceau au moment T, et c'est là où la dynamique elle rentre vraiment en jeu. D'accord. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission. Avec vos différents morceaux, vous avez construit du coup un set complet fait de ballades, de swing ou encore de valse, ou de valse si on veut prononcer à la française, dans différents styles. Donc comment décidez-vous quel type de morceau vous allez faire ? Justement, on essaye de varier un peu le répertoire. Donc les valses, c'est plutôt trois temps. On va essayer d'avoir des morceaux avec un tempo, une vitesse plus élevée, d'autres moins élevées. Et puis des ballades. On essaye aussi de faire des choses que tout le monde connaît. Par exemple, on fait « I wish you love », donc « Que reste-t-il de nos amours ?» en fait, en français, qui est un standard universel. Écrit par Charles Trenet, je crois. Je sais pas. Oui. Tout le monde connaît, donc quand on joue ça, les gens ils reconnaissent, ils aiment bien, ils sont investis, quoi. D'accord. Lors d'un concert, par exemple, comme on a pu faire au Folie Calette, là, dont on a parlé tout à l'heure, hors antenne, ça permet de distiller tout un répertoire dans lequel on essaye que tout un chacun puisse s'y retrouver, quoi. D'accord. Voilà. Même ceux qui n'ont pas une culture ou une connaissance très précise et très large de l'énorme répertoire de jazz, il y a forcément des titres, des standards, comme on en parlait tout au début de l'émission, qui sont connus par tout un chacun. Et ces standards peuvent être des fois même des reprises de morceaux français ou des classiques du répertoire de jazz, mais très connus. Comme les feuilles mortes, par exemple. Voilà. Bien sûr. Donc ça permet, par exemple, dans un répertoire d'une heure ou d'une heure et demie, dans un concert, étant donné qu'on ne fait pas encore forcément les grands festivals de jazz internationaux, où on est avec un public très aguerri, on va dire, ça permet que notre public puisse écouter à la fois et découvrir de nouveaux standards qu'il ne pouvait pas connaître, et en même temps se raccrocher, avoir des repères à un moment, en écoutant ou en reconnaissant un thème qui lui parle. Voilà. D'accord. Et donc j'allais vous demander du coup le Trio Alto, il est tout récent, comme on le disait en début d'émission, il a été créé à l'automne 2020, donc ça fait un peu moins d'un an. Et j'allais vous demander si vous avez déjà eu la chance de vous produire sur scène. Du coup, oui, deux fois au mois de juillet, c'était deux jours d'affilée en plus. Donc le premier soir, c'était le samedi soir, dans un restaurant à Bouc-sur-Hulle. Ça s'appelle le Bout du Monde. Mm-hmm. C'est un super restaurant qui fait des événements comme ça de temps en temps. Et la cuisine est faite maison. Et en fait, le public, il n'était pas en train de manger pendant qu'on jouait, quoi. Ils ont mangé. Et après, il y a eu le concert. Donc, c'était des gens très accueillants, très enthousiastes. Pour une première représentation du trio, c'était vraiment réussi. On était très contents. Avec une bonne écoute, oui. Oui. Mmh. Tout à fait. Bon souvenir. Voilà pour la petite page de pub pour le restaurant Le Bout du Monde. Si tu nous écoutes, c'est avec plaisir. Mais donc, justement, quand vous vous produisez sur scène, est-ce que ça se passe comme dans certains films, il y a la scène au bout de la salle et puis toutes les tables autour? Ou pas du tout? Tout dépend du lieu, tout dépend du lieu. Par exemple, au Bout du Monde, ça dépend aussi de la taille de la salle. Par exemple, au Bout du Monde, c'était un petit restaurant, donc c'est aussi l'avantage de jouer à trois, en petit trio. Ça veut dire se placer dans un resto, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avec un gros brass band et 12 musiciens. J'imagine. mais ouais, du coup, dans le resto, il bouge un peu les tables pour qu'on ait un peu de place. Mais sinon, un festival, il y a la scène et puis les gens bougent à leur guise. Et la question est tout à fait adéquate par rapport à ce que tu disais avant, Chris, parce qu'effectivement, sur ces deux jours sur lesquels on a enchaîné ces deux dates, on avait vraiment deux espaces totalement différents. Mm-hmm. Donc ça a permis aussi à Trio Alto de d'éprouver deux endroits totalement différents. Donc on avait l'intimité d'un restaurant où on était nous donc dans un coin aménagé où la personne avait fait de la place, des gens qui nous écoutaient donc avec une écoute dédiée, puisque comme le disait Fred, c'était organisé de manière à ce que les gens puissent manger avant et écouter après, ce qui est pas toujours le cas des fois, qu'on peut trouver aussi et d'ailleurs principalement dans notre musique de jazz, des cas où on joue pendant que les gens mangent, ou en musique d'ambiance, etc. C'est bien aussi, mais là, c'était vraiment un moment dédié où les gens venaient nous écouter. Et tout ça, donc, dans l'intimité d'un restaurant sombre, en fin de journée. Et le lendemain, c'était en plein air, sur une scène remorque, mm-hmm. devant le lac de Bouzet, pour un festival en plein air, en plein après-midi. Donc, c'était vraiment... pour la même musique, le même répertoire, deux expériences totalement différentes et du coup très enrichissantes pour nous et pour notre trio qui a dû se produire dans ces deux configurations. Bah justement, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que ça doit être très enrichissant, comme tu viens de le dire, de jouer en gros deux salles, deux ambiances en deux jours. C'est ça. Donc si jamais il y a des Bouc-sur-Hulloises ou des Bouc-sur-Hulloises qui nous écoutent, on leur passe un petit bonjour, et pourquoi pas les propriétaires du restaurant Au Bout du Monde. Bertrand. Bah voilà, Bertrand, on vous salue. Donc justement, comment se sont passées les différentes prises de contact avec le restaurant et du coup avec le festival pour vous produire sur scène? Eh ben, pour le restaurant, c'est Ellie qui connaissait le patron, en fait. D'accord. Et comme il avait déjà joué dans le restaurant... Il m'a donné son contact et moi j'ai parlé de. Dès que j'ai parlé d'Eli, le patron, il était d'accord. Donc on a joué direct chez lui. Et puis pour les Folies Calettes, donc à Bouzet, j'ai reçu un appel justement qui était en lien avec le restaurant, parce que la personne de Chaumusée, Sylvie Richardin de la mairie, elle avait vu la pub pour Le Bout du Monde et. Elle s'est dit, oh bah ça doit être bien, on va les inviter aux Folies Calettes, quoi. Et du coup, c'était bien? Ouais, c'était bien. C'était génial. C'était une expérience différente parce qu'on a joué trois fois une demi-heure, intercalé d'autres groupes, en fait. Ah oui? Ouais. D'accord. La musique a duré toute la journée, du matin de 11h environ, jusqu'au 18h le soir, quoi, sans pause. Il y avait trois groupes, on se relayait comme ça, une demi-heure, 40 minutes chacun. D'accord. Voilà. Et donc au niveau pratique pour vous rendre dans ces différents lieux pour vous produire sur scène, comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous vous rejoignez quelque part ou est-ce que vous y êtes allé ensemble avec en train, en voiture ou pourquoi pas en bus? Non, Eli, du coup, comme c'était un week-end, il a dormi à la maison. Donc d'accord. On est partis ensemble le lendemain matin à Bouzet. Sinon, Moi, je suis venu par mes propres moyens. Non, on vient en voiture, hein, ouais. C'est vrai qu'une batterie, moi voilà, j'ai une Clio, une batterie ça passe quand même dans le coffre. D'accord. Au niveau du matériel, bah, des fois j'en garde avec moi et je le oui. prends avec moi. Et voilà, on arrive assez, en général on essaie de voyager à deux voitures maximum pour vendre. Ouais, pour limiter les frais et voilà. D'accord. C'est ça aussi plus simple que. Et puis aussi plus écologique. Hein, voilà. Bien sûr, évidemment. Et donc, je crois savoir, du coup, que j'ai vu ça en préparant cette émission, que vous prévoyez à l'avenir de transformer le trio alto en un quartet avec un nouveau musicien du nom de Geoffroy au saxophone. Oui, en fait, Geoffroy, donc, il va venir. C'est-à-dire que le trio reste trio. D'accord. Il va venir en tant qu'invité lorsque le budget des employeurs, si on peut dire, sera assez suffisant pour l'employé lui aussi. Donc avec un saxophone, le trio, ça nous ouvre beaucoup de perspectives sur certains morceaux hard bop ou des choses comme ça, toujours un peu dans les années 60, etc. Mais dans un autre style, avec le saxophone, ça passe tout de suite mieux. Ça rejoint ce que disait Ellie, au niveau de l'esthétique, qu'on est comme obligé de s'inspirer certains morceaux et ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport au choix des morceaux, comment on le faisait. Mm-hmm. Voilà, le fait d'inviter un saxophone nous permettra d'aller chercher d'autres morceaux qui pourraient nous être peut-être plus difficiles ou moins transparents à interpréter sans. Voilà. D'accord. Moins pertinent aussi. Peut-être. D'accord. Donc il est 14h presque 33, donc avant de nous intéresser encore plus au trio alto, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale, dans un deuxième de vos morceaux, et nous allons écouter cette fois le morceau intitulé Stella by Starlight, qui est à l'origine, si je me suis bien renseigné, une musique de Miles Davis, c'est ça ? Bah, il l'a joué, mais je sais pas s'il l'a composé. Non, je crois pas. C'est d'un morceau qui est extrait, il est extrait d'une comédie musicale. D'accord. Et du coup, Stella by Starlight, c'est un morceau extrait d'une comédie musicale et il a été réharmonisé par, je ne sais plus le jazzman en question, mais du coup, il a été réharmonisé. Okay. C'est Victor Young. Victor Young, peut-être. Ouais, ça doit être ça. À vérifier. Et du coup, bah, il a été réharmonisé pour permettre aux musiciens de jazz de s'exprimer dessus. D'accord. Donc on écoute du coup Stella by Starlight, la version de trio alto, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Donc vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h38 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et même sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Ça fait du bien de répéter un petit peu, de rappeler les moyens de nous écouter. Vous venez d'écouter Trio Alto avec le morceau intitulé Stella by Starlight et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne, les Remiremont, de Frédéric, Stéphane et Ellie du Trio Alto justement. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Ah, c'est génial. Très bien. Super. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale, que le premier morceau que nous avons écouté. Comment caractérisez-vous, je vais y arriver, ce morceau Stella by Starlight? Bah, ultra, déjà, ultra repris par tout le monde, tous les jazzmen. C'est ce qu'on appelle un peu, plus ou moins, dans le langage jazzé, un saucisson, quoi, un peu. Presque. Donc, quand je l'ai dit que c'était une musique de Miles Davis, j'avais pas trop tort. Bah non, parce qu'il l'a joué, mais il y a tellement de gens qui l'ont joué aussi également. Il y a tout le monde. D'accord. Mais c'est Victor Young, ouais, on a vérifié, c'est bien Victor Young qui a adapté la musique pour le jazz, voilà. D'accord, nickel. Donc, c'est un thème simple à jouer, 32 mesures. C'est agréable à jouer, les accords sont assez simples. Ouais. Et à improviser, c'est vraiment sympa. C'est facile. Mais plaisant, de se faire les changements aussi. Sont sympas. Ouais. J'avoue que j'aime beaucoup ce morceau. J'imagine que c'est sympa. Je vous parlais un petit peu à un novice, ça, donc j'imagine que c'est sympa à jouer. Donc on va reprendre cette émission et nous l'avons entendu dans les deux morceaux que nous avons écoutés jusqu'à présent et je l'ai également remarqué en écoutant les autres morceaux sur SoundCloud en préparant cette émission. Vos titres ne sont composés que entre guillemets de musique, il n'y a pas de paroles, donc j'imagine que c'est un choix de votre part. Bah dans le jazz les paroles en fait les un peu pour parce que il y a pas vraiment déjà, c'est malheureux hein, mais dans le jazz à l'époque il y avait très peu déjà de chanteurs, très peu de chanteurs, les chanteurs étaient souvent des chanteuses en fait. D'accord. Même le chant n'est pas vraiment partie intégrante du jazz parce que c'est, je sais pas pourquoi exactement en fait, mais après plus récemment quand même. Plus récemment oui, mais par exemple moi je prends l'exemple de Jarreau. Jarreau, ouais. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est déjà plus tard, ouais. Mais c'est quand même vachement plus tard. Mais non, les chanteuses de jazz, ça fait quand même partie apparente du style. Mais enfin, voilà, il y a différents types. Il y a le jazz chanté, donc là, c'est plus les grands standards où, par exemple, tous les thèmes ont des chansons. Mm-hmm. Donc tous les thèmes ont des paroles. Mais ça a beaucoup été repris par les jazzmen en mode instrumental, plutôt. En fait, il y a des versions différentes de tous les morceaux, mais tous les morceaux ont des paroles. Et voilà, nous on fait de la musique, on a pas de chanteur. Fred chante très bien, mais du coup, voilà, quoi, il nous fera pas ce plaisir. En fait, comme on a un trio, donc le but c'était aussi d'être peu de personnes. Mm-hmm. On peut pas, à part dans une configuration plus moderne où des fois il y a une batterie, un piano et une chanteuse ou un chanteur. Mais comme on fait des standards des années 60, etc., c'était un peu le but aussi d'avoir la configuration authentique, en quelque sorte. Et le trio de jazz typique de ces années-là, eh ben c'est basse, piano, batterie, quoi. D'accord. Dans les choses les plus modernes, y a maintenant des fois batterie, contrebasse, saxophone... ou chanteuse, piano, batterie, des choses comme ça. Mais pour en revenir au répertoire et aux morceaux qu'on vient d'écouter, comme on disait, vu qu'on a centré, comme disait Fred, le répertoire qu'on a choisi d'interpréter sur les années 60, même si on s'en écarte un peu, on écarte le curseur, comme disait Ellie, d'un côté comme de l'autre. Stella by Starlight, on est un exemple flagrant, puisque c'est un morceau qui date bien avant les années 60. À la base, c'était une musique de film. D'accord. Donc là, peut-être à vérifier qu'il y a eu des paroles originales qui ont pu être écrites sur ce standard, comme beaucoup, parce que beaucoup de standards de jazz sont en fait des musiques des comédies musicales de Broadway. C'est pour ça qu'on les appelle des standards. Donc là, effectivement, on pourra trouver des paroles qui sont forcément rapportées. Mais en revanche, pour ce qui est du registre années 60, si on se recentre sur ce registre, je suis presque à parier qu'il n'y a jamais eu de parole sur un artiste, par exemple. Voilà. D'accord. Puisqu'on oui, est, voilà. C'est pas, c'est, il n'est pas dans cette esthétique. De, il ne fait pas partie. C'est devenu un standard de jazz, puisque de nombreuses formations à travers le monde reprennent Nardis, parce que c'est quelque chose qui est devenu un standard. En fait, les standards évoluent au cours du temps. Aujourd'hui, on en est à appeler standard, et même dans le jazz, on peut trouver de la musique rock ou des thèmes... des choses plus pop aussi. Plus des pop, fois. Ou même un thème de Michael Jackson qui, à force d'être repris et d'être réharmonisé, devient lui aussi un standard. Voilà, c'est un peu la définition d'un standard. Mais à la base, les standards étaient des chansons des années 60. Des années 30-40, pardon. D'accord. Des comédies musicales de Broadway aux États-Unis. Mais comme, pour clôturer la question, par rapport à la présence ou non de chants dans notre formation, étant donné qu'on avait choisi l'esthétique des années 60 et des morceaux des années 60, là, par contre, on n'aura pas de morceaux avec des paroles. Après, libre à nous d'en écrire, et qu'on peut en écrire, et Fred pourrait les chanter. Mais, mais ce serait une nouveauté, quoi. D'accord. Ensuite, à l'avenir, le trio prendra la direction du hard bop avec quelques titres des Jazz Messengers, qui est un autre groupe de jazz créé en 1953. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette direction du hard bop et du coup les quelques titres des Jazz Messengers? Ah oui, bah, direct. Ah, vas-y. Parce que, bah, du coup, grâce à l'arrivée du saxophoniste, comme on l'a dit plus tôt, en guest, ça nous ouvre un répertoire que, bah, je pense parler pour nous trois, on affectionne énormément. Et donc, on va. Le hard bop, donc ça, c'est plus années 65, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu plus tard. Et c'est carrément les Jazz Messengers. Donc, un groupe fondé par Art Blackie. Et du coup, ça permet. Les thèmes sont souvent joués par une section cuivre. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, ça sera un saxophone. Mm-hmm. Et du coup, moi, ça me soulage un peu parce que j'aurais pas le thème à jouer et faire l'harmonie et tout. Ça sera un peu compliqué, mais du coup. Voilà. Thèmes à la contrebasse. Hein. Non, mais oui, du coup, ça va nous ouvrir un style qu'on affectionne beaucoup, mais qu'on n'a pas, qu'on peut pas jouer pour l'instant en trio, ou vraiment compliqué, quoi. D'accord. C'est-à-dire que des fois, ce qui est bien quand il y a un saxophoniste, c'est qu'il peut jouer des notes longues aussi. C'est ça qui est bien. Il peut souffler longtemps dans. Alors, les notes longues sont plus facilement audibles. Et, par exemple, je prends un exemple, A Long Came Betty. Il y a des notes, des tenues assez longues dans la mélodie, et le piano, en fait, il peut pas avoir la longueur de notes, par exemple, d'un saxophoniste, quoi. Ou d'un trompettiste, ou d'un soufflant, comme on dit vulgairement dans le. Et comme l'harmonie change en même temps que la note est tenue, par exemple, ça devient inaudible, quoi. C'est pas suffisant, il faut un timbre différent, quoi. C'est pour ça que le saxophone, ça permet d'accéder à tous ces standards là, quoi. D'accord. Et j'imagine aussi que, en tant qu'artiste, comme tous les artistes, vous êtes en recherche constante de nouveaux endroits où vous produire. Tout à fait. Complètement. J'ai envoyé pas mal de mails les derniers temps. Eh ben, au festival du coin, ou choses comme ça, quoi. C'est une vraie partie du métier, hein. C'est... J'imagine, oui. Oui, tout à ça fait. Ça prend un temps fou, et des fois, on envoie une trentaine de mails, et puis on a deux réponses, quoi. Oui. Ça et la communication sur les réseaux, etc., c'est devenu une activité à part entière quand on tient un groupe comme oui. Fred, quoi. C'est pour ça que c'est important de communiquer aussi. On a fait des vidéos à la souris verte avec l'aide des régisseurs de là-bas, mm-hmm. qui nous ont filmé. On avait les lumières, on avait une scène et tout. Eric Clesson, on te salue, Eric, si tu nous Clesson, écoutes. Laurent Chartier, on te remercie. Donc, il nous a aidé aussi à avoir des supports pour des marchés, quoi. Parce que malheureusement, bon, là, on avait le SoundCloud qu'on avait enregistré un peu en artisanat chez Stéphane. Mm-hmm. Mais des fois, ça suffit pas. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose de carré, de pro pour des marchés, quoi. J'imagine une sorte de CV audio. Voilà, c'est ça, ouais. Et vidéo maintenant. Et vidéo. Et de plus en plus CV vidéo. Vidéo, ouais. Donc justement, dans le trio, en plus de jouer chacun d'un instrument différent, j'allais vous demander si vous avez chacun d'autres rôles, comme par exemple, un de vous remplit les différents documents administratifs, un autre s'occupe de l'installation pour les concerts, etc. Bah, pour les concerts, chacun installe son instrument, du coup. Oui. Et pour ce qui est démarchage, communication, c'est moi qui le fais, ouais. D'accord. Ok. Et donc, pour vous produire dans un lieu pour, ou sur lequel, enfin, dans lequel jouer, est-ce que vous avez des certaines conditions? En d'autres termes, y a-t-il des lieux dans lesquels, en toute modestie, bien sûr, vous ne souhaitez pas forcément vous produire? Non, mais Lucas ne s'est pas encore présenté. Oui, c'est ça. Non, en règle générale, bah nous, déjà, bah après, tant qu'on joue, on est content. Faut qu'on soit rémunéré à juste valeur aussi, hein. Bien sûr. C'est ça. C'est une des conditions principales. Après, en termes de lieu ou de personnes qui pourraient nous employer, on n'a pas vraiment de d'exigence quelle qu'elle soit. D'exigence, on n'en a jamais eu de mauvaises expériences jusqu'à présent, donc on va. On fait confiance et si le package nous plaît, en gros, d'accord, on y va. Ok. Et c'est toujours un peu un partenariat donnant-donnant. Oui, voilà. Par rapport à l'exemple du restaurant du bout du monde, là où on est super content de jouer, ils nous invitent. On essaye que ce soit juste pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on essaye, et nous, de faire de la pub, de ramener voilà, des gens, la famille, des amis, manger au restaurant ce soir-là et faire de la communication comme on le fait là, d'ailleurs. Là, c'est, on essaye de lui rendre la pièce de son invitation ce soir-là, ça nous a fait bien plaisir. Et voilà, on essaye d'avoir cette synergie donnant-donnant, et plutôt gagnant-gagnant entre les musiciens et notre employeur, la plupart du temps, des organisateurs de festivals, des bénévoles et des restaurateurs, ce genre de personnes. D'accord. Donc il est 14h50, avant de conclure cette émission, je vous propose de nous lancer dans une troisième fréquence musicale, dans un troisième de vos morceaux, et que nous écoutions cette fois-ci le morceau intitulé Infant Eyes, qui est à l'origine, et vous me l'avez confirmé tout à l'heure, un morceau de Wayne Shorter, sorti en 1964 et tiré de son album intitulé Speak No Evil, sorti en 1965. Pardon. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo pour la suite et déjà la fin de cette émission. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur l'application Orange Radio sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h57. Vous venez d'écouter Trio Alto avec le morceau Infant Eyes et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Frédéric, Stéphane et Ellie du Trio Alto justement qui sont là pour nous parler de tout ce qu'ils font. Tout est toujours beau pour vous? Super, génial. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Comment caractérisez-vous ce morceau Infant Eyes? Stéphane. Comment tu le caractérises? Comment tu caractérises le morceau? Ben c'est une balade, c'est une des balades du répertoire. Comme je disais, on essaye de varier l'esthétique des morceaux au cours du set. Et donc, qui nous laisse de la place de par son tempo assez lent. Comme le disait Ellie, on a chacun beaucoup de place pour s'exprimer et varier les débits de notes, puisque le tempo de base, l'unité de base de tempo est assez basse. Voilà, on a toute liberté d'improviser sur ce thème. D'accord. L'harmonie est sympa aussi. Il y a des accords un peu inattendus qui arrivent au cours du morceau. Et c'est ça aussi qui fait sa beauté, quoi. Oui, elle est pas classique. Et la structure aussi en elle-même, elle est différente parce que souvent la musique, elle s'enchaîne avec des cycles de 4 ou 8 mesures. Et là, c'est 9 mesures. D'accord. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous allons devoir conclure cette émission déjà. Où pourrons-nous vous retrouver pour suivre l'avancée de la carrière, de votre carrière et de l'existence de la vie de Trio Alto? J'ai pas compris la question. Même moi, je me suis pas compris. Pardon. Pas de souci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour suivre l'avancée de votre carrière? Eh ben sur Facebook, à la page Trio Alto. On postera peut-être aussi des vidéos sur YouTube. J'en ai déjà posté 2. D'accord. Donc il faut chercher, taper Trio Alto. Et sinon, sur SoundCloud aussi. Et à la BMI au mois de décembre, c'est ça ? Ah bah oui, à la BMI on a un concert le 11 décembre. À BMI d'Épinal ? BMI d'Épinal, 11 décembre, il me semble que c'est à 16h. Et c'est à l'étage près du rayon CD. Voilà. D'accord. Ça devrait être sympa comme lieu, ouais, un peu intimiste aussi. Oui. Je pense que ça devrait être pas mal. Bah, je mettrai toutes ces informations avec le podcast de cette émission, soit demain, soit lundi dans la journée pour vous retrouver facilement. Super. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Oui, bah moi j'ai été ravi de faire cette émission. J'avais zéro expérience de la radio, donc vraiment je suis vraiment heureux d'avoir pu un peu découvrir ce milieu et voilà d'avoir fait la pub. Et j'espère que les gens ont bien aimé nos interventions. Bah j'espère aussi. C'était une très bonne émission. Je l'ai bien aimé. J'ai même beaucoup aimé l'animé également. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois Frédéric, Stéphane et Ellie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est Chris. Avec plaisir. Cette émission sera diffusée demain, vendredi, à 18h, avec le podcast de cette émission, comme je disais, posté certainement lundi dans la journée, vu que demain, c'est mon jour de congé. Donc, d'accord. Et je vous l'enverrai par mail, Frédéric. Il n'y a pas de souci. Pour que tu puisses la récupérer et la partager. D'accord. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Concernant la suite des programmes de la journée, retrouvez le retour de Gilou avec ses années bonheur dans une petite heure de 16h à 17h30 ou de 10h à 11h30 au Québec, dans laquelle Gilou nous fera un petit retour sur les slows de l'été et il paraît même que vous écouterez les deux nouvelles chansons d'ABBA, le célèbre groupe suédois de retour après 40 ans. Ensuite, vous retrouvez la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier à 18h dans laquelle je recevais dans nos locaux Aldo Parvillez, peintre plasticien. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et du coup je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.